Désolé, ma petite Hélène, c'est clair, vous êtes virée. Du balai. Compte en banque vidée, moi qui suis snob, je me suis fait vider de mon job. 16ème luxe et drogue, tu qu'en apéritif. Travail de coke en définitif, toujours def, fini le kiff. J'ai pris un HLM, je sais que là-bas les spiffs de HLM insensés. Plus de sniff, faut penser que t'as plus de cash, HLM. Plus de marque Spencer, désormais la marque c'est leader. Fini mon coco, on nous croquions le charnel. Prends du naf-naf plutôt que mon coco Chanel. Cité des tourterelles, en bas d'une tour des jeunes se querellent. J'avance à tâtons, un gars me maton, croirait un maton. Sûr qu'il a rien dans le poids chiche, je la guiche. Vendriez-vous du hashish? Toi aussi, la chiche, n'en vend pas de ça ici, demande à Rachid ou Kwasi. Ici c'est match de foot à l'affiche, basket, foot ou chep, sauce arachide, glace, Mr. Freeze pour se rafraîchir. Chaque fois que tu vois un Renoir en caisse chic, vite barbiche, jeans, Gucci, chemise, LS, Steam, ce qu'ils font du shit. Cette grosse conne, elle estime que les gosses de test frime des connes. Non, si je te défausse, miche en silicone, je veux m'en sortir. Ah, si j'étais riche. T'as qu'à bosser. Ah, je bosse au KFC, mais toi tu sais pas ce que c'est que on travailler. On fait que bosser pour combler la sécu et payer vos loyers, vas-y, vous vas-y, plaignez. Va chercher tes spliffs à chaque fois que je croise une bourse, hein. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. Hey maman. Quoi? Y'a plus de pain. Non mais prends la monnaie dans le pot. Ah c'est bon, j'en ai. Au fait, on est le combien aujourd'hui? Le 13. Mince, la Lucie qui doit passer. Ah bon, t'inquiète pas, comment s'appelle déjà? Maître Kobayashi, j'en ai marre de ces jeunes cons sous dope à Vashi. Kuba pour turvois chic, forgé pour le combat, dealer, shit, beepers, tomba et poche, Nagashi. Un site comme ici, c'est sûr que c'est pas un sitcom. A chaque bico son 6 coups, donc là je suis pas fier. Pour ma procédure, une saisie chez Monsieur Segou. Bon Dieu, je flippe, il faut que je bigole flic. Quel serrurier, moi je bosse, mais pas ces gosses. Pour qu'il l'échec est beau, c'est dur. J'arrive en bas, je vois là un noir et une blanche qui joue les stars. Ça me fait mal au cœur, je monte sans une sale odeur. Ah, manquerait plus que ma fille Bia me ramène un beurre. Mais ce son est fort, j'suis sûr que ce sale odeur. J'en trouve la porte, qui se trouve là? Maître, pas chier, tu crois où là? Toi et ton escorte de flip. Allez, arrachez-vous de la vie. Tu crois que j'flippe? T'as craqué ton slip. En loose day, j'bip le 1-3 pour traquer, pister ses faux types. Méga kiff, ses tripes. Cagoule, gava, pite et boule terrier. Sur nos terriers, la chair de poule. Essayez de rouler les secous. Vous serez rosé, le cou cassé, roué de coups. Et séquestré. Ah, des menaces. Casse-toi, sale rage, je te le dirai qu'une seule fois. Vous me faites pas peur, d'ailleurs, je suis accompagné d'un inspecteur. Lui aussi, je l'emmerde. Mais écoutez, ça cesse, y'a pas à discuter. Les gars sont arrivés maintenant. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type. Faut se rendre compte que deux mondes parallèles coexistent quand ils se croisent. C'est la rencontre du 13ème type. Entre la crasse et le chic, entre la masse et les flics, seul le fric provoque la rencontre du 13ème type.